Il y avait un okapi assis sur le capot de la caisse à papy. La faute à patte peau, il l'a mis en harpie, Groucho, Chico, Harpo, avec leur queue de pie, ah, quel manque de peau. Quand il était hippie, sous d'autres oripeaux, du temps des utopies, tu vois le topo, il a mis en charpie, fait manger son chapeau. Au pire des impies, l'inspecteur des impôts. Lui qui mit au tapis, un gars de la Gestapo, fille de photocopie, par la photocopo, une plate photocopie, il n'avait bu copo, s'arrêtait faire pipi, non c'est pas du pipeau. Les dames qui entrepient, parlent à l'entrepôt de la philanthropie, le vol dans leur troupeau, en plus de sa myopie, papy s'est mis au pot. De tous les VIP et depuis via peau. Toutes ces vieilles pies portent de vieilles peaux et puis de mal en pis, mettent le mal en peau jusqu'à ce qu'il expie, elles mettront en expo. Ce dieu de l'Olympie qui bravait Olympos.